Bonsoir Marie-Hélène, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Explorateur, l'archéologue est un découvreur d'inconnus. Il perce les mystères et les secrets de tombeaux cachés, de civilisations perdues ou englouties pour mieux en découvrir les trésors. Mais quelles sont pour autant les limites de la discipline ? Œuvrant autour des productions humaines, celles-ci sont temporelles et régies par l'adage « plus c'est vieux, plus c'est mieux ». Ainsi, depuis ses débuts, l'archéologie a laissé pour compte les périodes récentes, tout d'abord médiévales et modernes, aujourd'hui contemporaines. Si pour certains, l'archéologie s'achève avec la Grande Guerre, pour d'autres, celle-ci ne s'arrête qu'hier. Dans cette approche, une fouille militante vient d'être réalisée. Fouiller une capsule temporelle enfouie en 1983 sous l'herbe d'un parc de Jouy en Josas. Depuis des millénaires, les sociétés créent des capsules de la sorte, messages sous la forme de dépôts collectifs, intentionnels et souvent rituels, destinés aux générations futures. La Mésopotamie et la pratique du dépôt de fondation en sont de bons exemples. 1983-2016, une partie du Gotha de l'archéologie française est réunie autour des fouilles dirigées par Jean-Paul Demoule, professeur à la Sorbonne. Olivier Veller du CNRS, Nathan Schlanger de l'École des Chartes, Boris Valentin de l'Université de Paris 1 ou de l'INRAP Sophie Clément qui vient de contribuer à la découverte des plus vieux outils de l'humanité, François Renel, le fouilleur de l'antique Petra. Jean-Paul Demoule, nous voici à Jouy-en-Josas. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est que ce déjeuner sous l'herbe ? Daniel Spoerry appartient toujours au mouvement des Nouveaux Réalistes, qui a été fondé en octobre 1960 et qui se définissait comme des objecteurs, des gens qui travaillaient sur les objets. Parce qu'après la guerre mondiale, la deuxième, les artistes n'avaient pas trop envie de reproduire la réalité, donc on a toute une phase d'art abstrait. Et puis là, il y a un retour dans les années 60, et eux-mêmes se définissant comme des objecteurs, dans tous les sens du terme. Et c'est intéressant, c'est le début des angoisses sur la société de consommation, la pollution, les angoisses écologiques, la production de déchets. Et donc, c'est comme ça que Armand, l'un des autres membres du groupe, va couler le contenu d'une poubelle dans la résine, que César va recycler des voitures compactées. Et donc, dans cette optique-là, la démarche de Spoerry, c'était beaucoup ce qu'il appelait des tables au piège, c'est-à-dire qu'on organise un petit repas, 3-4 convives, et au milieu du repas, on a arrête tout et on vernit les plats, la nourriture, les verres et on verticalise, on pose ça au mur. Donc il y en a à Beaubourg, au MoMA de New York, un petit peu partout. Mais ça devenait un procédé, donc il y a eu un moment où il en a eu assez. Ici, c'est la fin donc des tableaux pièges ? Oui, il a décidé d'en faire un dernier et en grand. Donc il invite une centaine de convives dans ce domaine du Moncel qui était tenu par un mécène, Jean Hamon. Centaine de convives du milieu branché de l'art, Catherine Millet, Alain Robbe-Grillet, Hérault, Armand, etc. On dresse les tables, une centaine de convives, donc ça fait à peu près 40 mètres de table posée sur des tréteaux avec des nappes roses et puis les plats. Et au milieu du repas, comme il était prévu, il avait fait auparavant creuser une tranchée de 40 mètres de long et tous les convives vont poser les tables au fond de la tranchée et on recouvre tout. Et le dessert et le café sont servis ailleurs. Donc fin des tableaux pièges, avec déjà le projet de fouiller de nouveau cette chose. Oui, il y avait un archéologue que j'ai connu, on était étudiants ensemble, Éric Godet, qui a travaillé ensuite au service archéologique municipal de Paris, qui était là parmi les convives. Et donc dans la démarche de Spoerry, il y avait justement cette jonction entre archéologie et art contemporain, et cette réflexion sur que va-t-il rester de nos sociétés. Parmi les différentes interprétations et raisons qu'il donne lui-même, il cite souvent un pari avec un de ses amis, le peintre allemand Konrad Klapper, qui serait moqué de ses œuvres en disant il va rien en rester. Et Spoerry lui aurait dit on enterre chacun une œuvre, toi tu vas enterrer une toile et moi je vais enterrer un tableau. Évidemment, une toile n'aurait pas résisté. J'ai jamais su jusqu'à présent si Konrad Klapek avait effectivement enterré son œuvre. Donc ça devait être fouillé, mais tout se passe pas toujours comme prévu, et Éric Godet, un peu plus tard, rentre dans les ordres, devient trappiste à Berlin, et comme le commente Daniel Spoerry dans un documentaire de la fin des années 90 qui lui a été consacré, il raconte cette histoire et dit ben oui, quand on trouve Dieu, on perd les assiettes, et c'est dommage parce que ça aurait pu être la première fouille archéologique de l'art contemporain. En 2010, j'étais venu vous voir, j'avais d'ailleurs fait un reportage. À l'époque, vous aviez fouillé un tout petit tronçon, j'ai souvenir. Oui, dans la déontologie archéologique, normalement, on laisse toujours des témoins. Donc ce qui nous intéressait, c'était de redonner sens au projet archéologique de Daniel Spoerry, de voir comment l'œuvre avait évolué en 27 ans. Donc on avait fouillé 6 mètres, assez près de l'endroit où il était assis, mais en évitant justement cet endroit pour le laisser aux autres. Et puis on avait fouillé 2 autres mètres à l'autre extrémité, en voyant que c'était d'ailleurs relativement arasé à ce point, parce qu'il y a eu des travaux ultérieurs ensuite d'aplanissement. Donc voilà, dans notre esprit, c'était ça, et c'était l'idée que régulièrement, tous les 20-30 ans, on viendrait fouiller quelques mètres, à la fois en prolongeant la performance et en voyant comment les choses évoluent. Et puis peut-être avec des nouvelles méthodes de fouille. Oui, à la fois les choses continuent à se dégrader, mais en même temps les méthodes de fouille progressent. On a des mégots, est-ce qu'on va retrouver ou non de l'ADN de ceux qui les ont fumés? On sait que les pollens ont été détruits, mais on peut analyser le bois des tables et le reste dissous des nappes, etc. Donc c'était ça la démarche taphonomique, comme on dit, c'est-à-dire de voir comment les choses évolue, que les gens qui gèrent les ordures appellent la rudologie, c'est-à-dire comment évoluent les déchets dans les sociétés contemporaines. Est-ce que vous avez retrouvé des grands témoins? Bon, bien sûr, Daniel Spoerry, mais d'autres grands témoins? Là, c'est un travail en commun avec l'anthropologue Bernard Müller, qui a eu l'idée de cette fouille, justement, en regardant ce reportage. Donc, lui travaille sur les listes des gens qui étaient là. On a plusieurs listes, les invités officiels, ceux qui sont venus et qu'on voit sur les photos, ceux qui disent qu'ils étaient là mais qu'on voit pas sur les photos, ceux qui disent qu'ils n'y étaient pas mais qu'on voit sur les photos. Donc il y a tout un travail. Alors évidemment, 33 ans après, une partie des témoins ne sont plus là, mais un certain nombre sont là. Par exemple, tout à l'heure était là, justement, la sœur d'Éric Godet, qui est une galeriste, Leïla Avok, qui était là au banquet comme Éric Godet, et qui nous a commenté quelques événements et quelques souvenirs. Sachant néanmoins que ce qui nous avait intéressé, qu'on avait pu voir dès 2010, qu'au bout d'une trentaine d'années, les souvenirs commencent à diverger de la réalité. Justement, quel souvenir en a-t-elle ? Par exemple, on l'avait établi en 2010, tout le monde nous avait expliqué, elle-même, le propriétaire du domaine, Daniel Spoerry, Éric Godet, que j'avais eu au téléphone, que la tranchée était parfaitement parallèle au château. Et nous, on avait fait une prospection électrique, comme on fait toujours sur une fouille sérieuse, on a vu qu'elle était parfaitement oblique et pas du tout à l'endroit où les témoins nous le disaient. Jean-Paul Lemoule, aujourd'hui, vous reprenez les fouilles. Vous vous attendiez à quoi ? On ne s'attendait pas à faire des découvertes bouleversantes, hein, parce que on voit d'après les photos que c'était relativement uniforme, l'ensemble. Ce qu'on a eu, c'était plusieurs zones de destruction qu'on n'avait pas prévues. Finalement, on a eu de la chance en 2010 parce que les 6 mètres qu'on avait choisis étaient en bon état. Mais comme il y avait eu des travaux ultérieurs où il y a eu un déterrassement pour construire une orangerie qui ensuite a été détruite, on a découvert pas mal de perturbations, et c'est quand même en même temps intéressant du point de vue de l'archéologie préventive, parce qu'il s'était passé en 33 ans, il y a sur 40 mètres de long 6 ou 7 perturbations modernes importante. On comptait faire notamment un moulage des 8 derniers mètres, et en fait on était relativement déçus parce que c'était soit impacté par des perturbations, soit en partie arasé. Et en partie l'extrémité, justement là où se tenait Daniel Spoerry, n'était pas en très bon état. Le deuxième aspect peut-être des choses, c'est qu'effectivement c'était relativement émouvant de fouiller l'endroit où il était assis, qui est très bien documenté par les photos, notamment comme chacun devait apporter un objet personnel. On voit sur les photos qu'il avait apporté une petite dinette d'enfant. Alors on peut ensuite réfléchir sur cette petite dinette. On sait que le père de Schperi a été assassiné quand il avait une dizaine d'années dans un des plus grands pogroms de l'histoire européenne du XXe siècle. 11 000 juifs tués par les Roumains en juin 1941. Donc cette référence à l'enfance n'est pas forcément indifférente, d'autant plus que les juifs ont été jetés dans des grandes tranchées après les 11 000 cadavres, tranchées à laquelle c'est du déjeuner sous l'herbe est sans doute aussi une référence. Donc de voir ça, c'était tout à fait émouvant, et on avait prévu que ça se fasse en présence de Daniel Schperi. Malheureusement, il a eu un accident, donc on n'a pas pu avoir le commentaire en direct sur cet endroit, mais je lui ai quand même envoyé régulièrement chaque jour des photos du progrès des fouilles. Est-ce que vous faites de l'art alors que vous êtes archéologue, ou est-ce que vous participez à cet art ? Il y a plusieurs réponses possibles. Ce que je dis souvent, c'est que ce qui caractérisait ma génération, c'était notre prise de recul par le rapport à l'histoire de l'art et de l'archéologie, puisque j'enseigne dans un institut d'histoire de l'art et d'archéologie, parce que l'archéologie, au début, quand elle émerge à la Renaissance, n'est que l'intérêt pour les chefs-d'œuvre antiques. Or, depuis quelques décennies, l'archéologie est de plus en plus anthropologique, et on s'intéresse au contraire à la vie quotidienne et aux vestiges les plus modestes et même les moins visibles. Donc c'était un peu un paradoxe de se retrouver à s'occuper d'art contemporain, sauf qu'on peut dire que c'est les artistes qui nous ont plutôt rejoints, c'est des artistes qui sont mis à avoir des préoccupations archéologiques sur le devenir justement des vestiges matériels de nos sociétés. Alors on peut dire aussi qu'on prolonge la démarche artistique, on prolonge la performance en la fouillant, en faisant sérieusement quelque chose d'absurde, on peut dire aussi ça, mais il y a aussi, en même temps, un intérêt archéologique réel, un côté fouille expérimentale, voir comment les différents types de matériaux évoluent dans le temps, le bois aggloméré se dissout, le plastique reste en parfait état, de confronter les souvenirs et donc les textes, les paroles des témoins avec la réalité qu'on observe sur le terrain. C'est un vieux débat qu'on a avec les historiens. Les historiens disent que l'archéologie est une discipline auxiliaire de l'histoire, ce qui veut dire la vérité, c'est les textes, et les archéologues ne font qu'illustrer les textes. Nous, on répond, les textes sont partiels et partiaux, et on croit comme saint Thomas que ce qu'on voit, et là on voit que déjà au bout d'une trentaine d'années, ça diverge en fait, les souvenirs et la réalité de terrain. Tout ça pour dire que effectivement c'est multiple, de même que la signification de l'œuvre de Daniel Schperi est multiple, mais qu'en tout cas il y a depuis quelques années une vraie rencontre de l'art contemporain et de l'archéologie, dont Schperi ou Armand ont été les pionniers, mais qui s'illustre très concrètement par des expositions très régulièrement. Et par exemple, on a fait un moulage d'un mètre de la tranchée en 2010, et ce moulage sont sans arrêt en train d'aller de musée en exposition autour de ce thème de l'archéologie du monde contemporain. Alors ce que l'on voit, c'est une longue tranchée, assez droite malgré tout, avec une sorte de véritable banquet. C'est une sorte de mini Pompéi, c'est assez beau. Hein. Le critique d'art Alain Jouffroy avait dit à propos de cette performance, c'est un Pompéi mental à l'époque. Parce qu'effectivement, ce qui caractérise Pompéi, c'est que grâce au Vésuve, en peu de temps, en quelques heures, tout a été englouti. Alors là, ça a été encore plus rapide, mais c'est effectivement le fait que quelque chose puisse être immobilisé. Parce qu'en général, en archéologie, par définition, à part dans le cas des tombes, on ne trouve que des débris, des choses qui sont sorties, abandonnées du cycle, que ce soit une ville entière ou une poubelle, c'est des objets qui ont cessé de servir. Donc le fait que les choses soient immobilisées en l'état, comme un Pompéi ou comme ici, c'est effectivement exceptionnel. Alors je vois juste là une assiette blanche, une assiette bleue, un peu de motif chinois, je dirais. Un peu plus loin, une bouteille couchée dans une assiette, une bouteille de vin rouge. Les convives étaient chargés d'apporter leur couverts, donc leurs assiettes, leurs verres, leurs... Et en revanche, le reste du repas, c'était les cuisines du domaine qui l'assuraient, donc les bouteilles où il y avait écrit cuvée du Moncel, les plats de tripes, puisque c'était le choix qu'avait fait Schperi pour différentes raisons, les salières, poivrières, etc. Donc c'est unité. Mais les assiettes, comme elles étaient apportées par les convives, sont complètement disparates. C'est ce qui interrogerait des archéologues du futur s'ils fouillaient cette œuvre, c'est le côté complètement disparate de la vaisselle de consommation individuelle. On serait malgré tout sur une sorte de bulle temporelle ? C'est quelquefois, effectivement, c'est ce qu'on appelle des capsules temporelles. Il y a même une université des États-Unis qui en fait la liste. Et c'est une démarche effectivement liée à l'art contemporain, mais au-delà de l'art contemporain, depuis quelques années, d'enterrer des choses, voire de les envoyer dans l'espace. Quand on a envoyé une des sondes Voyager, on a envoyé pour les extraterrestres des seins d'un homme, d'une femme, le nombre pi, le système solaire, etc. Donc là, on est un peu dans le même type de démarche, toujours autour de cette préoccupation, voire cette angoisse de savoir ce qui va rester de nous. Donc c'est un peu ce repas immobilisé et dans la même démarche, ou du moins a été pionnier dans cette démarche. Il y a des sortes de véritables messages sur une assiette « Maman, je t'aime ». Comme chaque convive apportait des objets personnels, on a effectivement une assiette « Maman, je t'aime ». On a plusieurs assiettes avec des menus en allemand. On a trouvé un verre avec un dessin d'Obélix, qui est intéressant dans ces temps d'interrogation sur notre passé gaulois. Et puis même un convive a laissé une pièce de monnaie, donc une date. En fait, on a plusieurs pièces de monnaie, mais qui sont toujours de très faible valeur. C'est des pièces jaunes, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de Napoléon, pas de monnaie en or. On sait que les monnaies sont chéries des archéologues, parce qu'effectivement, ça donne ce qu'on appelle un terminus. C'est-à-dire qu'on sait que l'événement a forcément eu lieu après la date marquée sur la monnaie. Ça peut être bien après ou un peu après, mais en tout cas, ça nous permet de caler l'événement. Jean-Paul Demoule, après la fouille, le déjeuner sous l'herbe, ce sera fini ? Pas tout à fait, parce qu'en liaison avec les promoteurs, on a déplacé 1,50 m de tranchées qu'on a coffrées, comme on fait assez classiquement en archéologie quand on déplace des tombes par exemple et qu'on veut les présenter d'un point de vue muséographique. Et puis les 6-8 derniers mètres de tranchées normalement sont gelés et ne devraient pas être touchés. Mais pour le reste, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus que ce moulage sur 7-8 mètres de longueur et les objets rangés dans des étagères régulièrement présentées dans des musées. On peut s'imaginer que cette opération est une véritable opération archéologique. Est-ce que le passé ne serait-il pas à l'histoire ce que la mémoire est à l'archéologie ? Il y a effectivement une confrontation entre la mémoire humaine, qu'elle soit orale, comme c'est encore le cas, ou qu'elle soit écrite. Si on demandait aux témoins encore vivants d'écrire, ou quand ils écriront, ou si certains ont déjà écrit, il y en a quelques exemples. Et on peut le confronter effectivement avec ce qu'on a trouvé, et c'est effectivement un des soucis de l'archéologie, cette confrontation. Cela dit, pour les nouveaux réalistes, je pense que c'était plus le devenir matériel en tant qu'objecteur, entre guillemets, c'était plus le devenir matériel de notre société qui les intéressait. Pour les archéologues, ce rapport entre mémoire et texte d'une part et objet matériel est plus un sujet de préoccupation. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. François Renel, vous êtes archéologue métropolitain, mais vous fouillez aussi à l'étranger. Vous êtes archéologue orientaliste, notamment à Petra. Aujourd'hui, c'est pas Petra. Oui et non. En fait, il y a des points de convergence évidents entre les deux. En premier lieu, parce que c'est de l'archéologie. En second lieu, c'est vrai qu'on a des problématiques un peu similaires en Jordanie, en particulier à Petra, puisque on travaille sur les domaines du banquet, le banquet nabatéen, bien écrit par Strabon, auteur antique. Et l'on sait effectivement qu'il y avait des banquets avec le roi, un nombre de convives invités, un nombre de vaisselles consommées, 11 personnes plus le roi, généralement pour les grands banquets. Et l'on se dit au cours des dernières découvertes que ce mobilier était rejeté à l'issue des banquets. Donc effectivement, on a des points de similitude entre les deux. Et vous les avez retrouvés, ces banquets ? On les a retrouvés ces dernières années dans une des pièces que l'on fouille dans un bâtiment qui est accolé au grand temple, où effectivement on a toute la vaisselle brisée au sol et un type de lampe un peu inédit avec justement 11 becs pour les lampes à huile. 11 becs qui signifient peut-être les 11 convives qui sont de concert avec le roi en train de banqueter et de boire du vin. Alors aujourd'hui, ce déjeuner sous l'herbe, est-ce que vous avez trouvé la place du roi ? La place du roi est toujours en bout de table, généralement. Effectivement, dans ce cas de figure, la place de Chepery est en bout de table. On a pu confronter les données de terrain avec l'iconographie de l'époque. Effectivement, il semblerait qu'on ait retrouvé la place du roi. Et vous arrivez à mettre des noms sur des lieux ? Cela va être compliqué, puisque d'après les données de l'époque, les gens bougeaient beaucoup. Donc ce n'est pas un espèce de repas figé, mais plutôt un mouvement perpétuel. Donc on va travailler sur une fois de plus sur les données d'archives et confronter ça aux données de terrain. Et peut-être qu'à l'issue de l'étude globale de ce que l'on a dégagé, on devrait pouvoir cerner la personnalité de quelques-uns des propriétaires de ces reliefs de banquets. Alors aujourd'hui, l'archéologie, tant en France qu'un peu partout dans le monde, redécouvre les banquets archéologiques. On a découvert des banquets gaulois, on connaît bien par les textes les banquets grecs, les banquets romains. C'est un vrai sujet de recherche ? C'est un sujet de recherche à part entière qui peut être pluridisciplinaire, puisque là, ici, on va associer le monde scientifique, les sciences dures pour travailler sur les paléo-restes, à la fois sur les vestiges que l'on a retrouvés, donc ce qui est couvert, assiette, etc., et aussi des analyses chimiques pour comprendre le type de vestiges présents dans, par exemple, dans les réceptacles du banquet. Ça se fouille comment, un banquet ? Ça se fouille comme toute fouille fine, en fait c'est un peu comme une sépulture, et on reparle effectivement de l'enterrement du tableau piège. C'est une sépulture dans la mesure où effectivement tout est enterré dans un temps X, dans un temps donné. C'est une sorte de Pompéi en miniature. Sophie Clément, vous dégagez actuellement cette longue banquette du déjeuner sous l'herbe, mais disons-le, vous êtes préhistorienne et vous avez récemment publié Les plus vieux outils de l'humanité. Effectivement, je travaille surtout sur l'Afrique et plutôt sur les outils en pierre taillée du paléolithique archaïque que sur les œuvres d'art contemporaine. Oui. Alors ce paléolithique archaïque, il date à peu près de quelle époque ? On sait d'ailleurs qui les aurait produits, ces premiers outils de l'humanité ? Ah non, ça on ne sait pas encore, on espère bien savoir bientôt. Ces premiers outils datent de 3,3 millions d'années. Et donc ils ont été produits par répétition, plusieurs fois on peut dire, un peu en série. Voilà, ce qui nous permet de dire qu'on est vraiment sur un site archéologique en place. Et le tout au Kenya. Aujourd'hui, vous vous retrouvez donc sur une fouille qui date de 1983. Quand vous voyez les petites fourchettes posées, est-ce que vous pensez ou faites un lien entre ces fourchettes et ces premiers silex, ces premiers outils de l'humanité ? Alors, c'est un peu compliqué de faire le lien direct, parce qu'effectivement, les premiers éclats taillés à 3,3 millions, on peut imaginer qu'ils ont servi à couper, mais de là avoir des fonctions aussi précises qu'une fourchette, on n'en est pas encore là. Mais effectivement, en tout cas, on le traite de la même façon, avec les mêmes méthodes et avec la même rigueur scientifique que sur un site archéologique, oui. Vous voyez le long processus qui va du silex jusqu'à la fourchette ou au couteau ? Non, je le vois pas. En fait, là, j'ai vraiment plutôt l'impression de fouiller plus un tableau qu'une vraie scène de vie, en fait. Nathan Schanger, vous êtes professeur à l'école des Chartes. Vous êtes aujourd'hui donc sur ce déjeuner sous l'herbe. Pourtant, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte, mais il y a des vestiges matériels qui jouent un rôle similaire en termes de transmission d'informations, soit délibérée, soit par inadvertance. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette exhumation ? Il y a d'une part une dimension artistique, une volonté de création par la destruction et l'exhumation, et il y a d'autre part une dimension scientifique. C'est un test, un exercice de méthode qui permet de mieux comprendre, de mieux maîtriser, de mieux calibrer les démarches archéologiques. C'est-à-dire comment on expose les vestiges, comment on les interprète, comment on peut en faire du sens dans un cas particulier comme celui-ci où nous avons un assez bon contrôle des conditions de formation du site archéologique. On est sur une sorte d'instant, c'est ça aussi qui est assez émouvant ? Il y a effectivement un site qui n'a subi très peu de perturbations stratigraphiques et où on peut reconstruire, reconnaître l'événement en quelque sorte, que l'on connaît par ailleurs évidemment par des sources historiques et artistiques qu'il a lieu effectivement ici dans ce lieu. Nathan Schanger, cette archéologie des temps contemporains, est-ce qu'elle a du sens pour vous ? Bien sûr que cette archéologie a du sens, il n'y a aucune raison de donner une limite chronologique arbitraire à la démarche, étant donné qu'elle apporte tant de nouveautés, tant de perspectives originales sur l'histoire, sur le passé, sur la vie. On peut tout à fait aborder des phénomènes, des activités contemporaines, dès qu'elles laissent ou génèrent une trace matérielle, et la comprendre en termes archéologiques. Je pense par exemple au mur de Berlin, on peut penser à Ground Zero à New York, qui sont des lieux qui peuvent tout à fait bénéficier d'un éclairage nouveau par cette démarche archéologique. Olivier Véler, vous êtes le fouilleur de la cabane de Podane. Donc oui, effectivement, on fouille la cabane de Peau d'Âne maintenant depuis 4 ans. La cabane de Peau d'Âne, ça s'inscrit dans un projet d'archéologie contemporaine. La cabane de Peau d'Âne, c'est donc un décor mis en place par Jacques Demy à l'été 1970. On a commencé en 2012, donc plus de 40 ans après le tournage. Qu'est-ce qui reste d'un décor de cinéma et puis de la vie de l'équipe de tournage qui a duré à peu près 10 jours sur la zone de la cabane? Qu'est-ce qu'on retrouve comme matériel technique, comme vie, j'allais dire, de tous les jours, c'est-à-dire entre autres les moments de pause. Donc on retrouve, entre autres des mégots de cigarettes, des capsules de bière, des bouteilles d'eau aussi, hein, quand même, ils buvaient de l'eau. Et puis le matériel que le spectateur voit à l'écran, à savoir entre autres les petits strass collés sur la robe couleur soleil de la princesse incarnée par Catherine Deneuve. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour cette opération du déjeuner sous l'herbe. Comment percevez-vous ça ? C'est un peu le modèle, évidemment, puisque le déjeuner sous l'herbe, donc la première opération a démarré en 2010. Nous, nos fouilles et les repérages ont démarré en 2012. Et effectivement, c'est le même type d'opération, même si dans le cadre de Peau d'Âne, on s'ancre dans le monde du cinéma. Et ici, évidemment, on s'ancre dans le monde de l'art. Mais c'est exactement le même type de démarche, c'est-à-dire de croiser réalité matérielle, quelques années plus tard, 20 ans, 30 ans, 40 ans, réalité matérielle, mémoire, donc que disent les témoins de cette époque, que ce soit là ceux qui ont participé au banquet ou dans le cas de Peau d'Âne, ceux qui ont l'équipe technique, les figurants ou les comédiens. Et puis de croiser ça aussi avec la fiction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en a fait. Donc une œuvre artistique ici et de l'autre côté une fiction aussi avec des images animées que le spectateur peut regarder depuis plus de 40 ans. Votre métier, c'est bien sûr chercheur archéologue, mais spécialiste du sel. Vous êtes venu chercher les salières ? Alors voilà, donc ici, depuis le début, depuis 2010, donc loin de Peau d'Âne, si j'ose dire, quoique, ma spécialité étant l'invisible, le sel, donc quelque chose qui ne se conserve pas en fouille, on a ici une opportunité quasi unique d'avoir les récipients, les salières qui sont encore avec, à l'intérieur, une substance plus ou moins liquide que je m'amuse à essayer de déterminer à travers des analyses chimiques et des observations de ces résidus à l'intérieur de ces salières qui sont, rappelons-nous, les mêmes modèles, comme sur nos cantines quand nous étions enfants, que les poivrières. Boris Valentin, vous êtes préhistorien. Rien à voir avec ce déjeuner sous l'herbe ? Si, tout à voir, c'est de l'archéologie. L'archéologie sans limite, l'archéologie des limites, hors limites. Moi-même, je travaille à l'autre extrême, la préhistoire la plus ancienne, très peu de documents, une obligation donc d'invention méthodologique permanente pour combler les trous de la documentation. Et là, on est au contraire dans un contexte à l'autre extrême, saturé d'informations. Et la question est de savoir qu'est-ce que l'archéologie peut apporter en plus. Donc d'un côté, seule l'archéologie peut apporter de l'information. De l'autre, qu'est-ce que l'archéologie peut apporter en plus. Donc je suis en plein dans les questionnements que je me pose sur mon objet de recherche à l'autre extrême de celui-ci. Quel est votre sentiment à la vue de ces assiettes et petites fourchettes ? Une émotion complètement analogue à celle que j'éprouve en voyant des vestiges, les vestiges sur lesquels je travaille quasi quotidiennement, des vestiges de chasseurs-cueilleurs qui ont vécu il y a 13 000 ans et qui sont aussi bien conservés. Donc en fait, ça augmente l'émotion que j'ai à me remémorer ces vestiges il y a 13 000 ans qui sont conservés pareillement que ces vestiges de 1983. Donc vous voyez les hommes derrière ces vestiges ? Je vois des hommes, d'autant plus que c'est fouillé exactement de la même façon. Là, il y a une inspiration très nette aussi dans les méthodes de fouille, une inspiration qui a été cherchée du côté de la préhistoire et des méthodes qui ont été mises en œuvre par le roi Gouran. On est dans les prolongations d'un chantier type le roi Gouran ici. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Richard Dufour, avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site de franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Pour ouvrir l'année, Carbone 14 se penche la semaine prochaine sur André Laura Gourand, l'homme, le geste et l'art.